Chapitre 31. Lorsqu'il avait vu quelle tournure prenaient les événements, le colonel s'était empressé de faire partir pour Versailles les blessés de l'ambulance qui étaient en état de supporter le voyage. Il leur donnait des vêtements civils et veillait lui-même à leur faire franchir une porte de Paris. Plusieurs fois, il les accompagna jusqu'à Versailles. Il ne garda dans l'ambulance que ceux qui étaient encore trop grièvement malades pour être exposés à se voir incorporés de force ou de bonne volonté dans les bataillons de la Commune. De ce nombre était Michel, qui n'avait pas encore quitté son lit. Cependant, une grande amélioration s'était produite dans son état. Il était bien certain, depuis longtemps déjà, qu'on ne serait pas obligé de lui couper la jambe, et vers la fin de mars, il se trouvait, moralement et physiquement, en état de soutenir toutes les discussions qu'on voudrait engager avec lui. Le moment était donc venu pour le colonel de rompre le silence auquel il s'était condamné. Bien des raisons l'engageaient à quitter Paris, et il ne voulait partir qu'en emmenant Thérèse, sa femme, avec lui. Cette révolution qui commençait lui inspirait des craintes qu'il ne se précisait point, mais qui cependant l'inquiétaient. Il avait peur pour son oncle, qu'on accusait de plus en plus violemment d'être un traître. Il avait peur pour Thérèse, et même, il avait peur pour lui. Les coups de revolver qui avaient accueilli son appel dans le fossé du champ de bataille de Saint-Cloud lui avaient enfin ouvert les yeux sur Anatole, et il était à peu près convaincu que l'homme qui avait tiré ses coups de revolver n'était autre que ce fameux Fourier, dont M. le Méhautet, le juge d'instruction, lui avait si souvent parlé lors de la tentative d'assassinat de la forêt de Marly. C'était bien l'homme, répondant au signalement, qui lui avait alors été donné. Grande taille, large poitrine, physionomie arabe. Comment Anatole et le Fourier se trouvaient-ils sur le champ de bataille? Étaient-ils là pour lui envoyer une balle dans le dos? Il n'en savait rien, mais cela était possible. En tout cas, ils avaient assez vivement saisi l'occasion qui se présentait à eux de lui envoyer cette balle dans la poitrine pour qu'on crût que cette rapidité de décision indiquait un accord arrêté depuis longtemps. Si cet accord existait au mois de janvier 1871, il avait pu exister plusieurs années auparavant, c'est-à-dire quand le juge d'instruction l'avait affirmé, et il pouvait exister encore maintenant. Or, dans les conditions qui se préparaient pour Paris, l'association de ces deux hommes était vraiment redoutable, et ce n'était point plus l'unanimité que d'en avoir peur. Les deux tentatives manquées, celle de Marly et celle de Saint-Cloud, étaient là pour dire combien vivement ils convoitaient l'héritage du colonel et quels moyens ils employaient pour l'obtenir. Quoi de plus facile pour eux que de profiter d'une émeute populaire qui, assurément, se présenterait un jour ou l'autre pour accomplir leur dessein? Qui les empêcherait, le jour où cette émeute éclaterait, de pénétrer avec quelques bandits dans l'hôtel et de tuer tous ceux qu'ils trouveraient? Antoine et Thérèse, en même temps que le colonel. Du coup, Anatole se trouvait l'héritier de cette fortune. Anatole était-il capable d'un pareil crime? Le colonel ne voulait pas le croire, mais il suffisait que son associé, le terrible Fourier, en eût l'idée. Anatole n'aurait rien fait, et il hériterait tranquillement. N'était-ce pas la combinaison qui avait mis un couteau aux mains de l'assassin de la forêt de Marly? Précisément parce qu'il était brave, le colonel trouvait que c'était une puérilité de s'exposer, soit les siens, à un danger inutile. Il valait donc mieux s'éloigner tant que durerait la tourmente, et se mettre tous à l'abri, Antoine, Thérèse et lui-même. Arrêté à ce parti, il le communiqua à son oncle, mais bien entendu, sans lui parler d'Anatole, du Fourier et des dangers qu'il prévoyait. On pouvait maintenant traiter une affaire sérieuse avec Michel. Le moment était donc venu d'aborder franchement la question du mariage de Thérèse. Mais pour Antoine, c'était là une question terrible à laquelle il n'osait même pas penser. Plus il connaissait son neveu, plus il le voyait et plus il l'aimait. C'était son fils, comment n'eût-il pas été heureux de lui donner Thérèse? Mais il était engagé envers Michel, pour lequel il avait aussi une vive amitié. Comment lui reprendre Thérèse? Au premier mot de son neveu, il voulut se rejeter encore en arrière, mais le colonel n'écouta rien. « Je comprends, mon cher oncle, combien votre position est délicate et difficile. Mais quand nous attendrions encore et puis encore, cela ne la rendrait pas plus facile. Il faut vous décider. » « Mais je n'ai pas à me décider. Je suis engagé envers Michel. Je ne puis pas lui demander de me rendre ma parole. Assurément. Et ce n'est pas là, soyez-en certain, ce que j'attends de vous. Je vous ai moi aussi donné ma parole. Je vous demande de me la rendre. Mais que voulez-vous? Dire à Thérèse que je l'aime et lui demander d'être ma femme. » Thérèse a pris un engagement envers Michel. « Vous savez aussi bien que moi, mon oncle, comment cet engagement a été pris. Thérèse alors n'aimait pas Michel. » Elle a consenti à l'accepter pour mari, sans l'aimer. Et ce consentement, elle l'a donné parce que vous le lui avez arraché. Aujourd'hui, le donnerait-elle? Croyez-vous qu'elle le donnerait? Elle l'aime. D'amitié, oui, mon oncle. D'amour, non. Et Michel, j'en suis sûr, pense comme moi à ce sujet. Mais alors? Alors, mon cher oncle, le moment est venu de demander à Michel s'il persiste à réclamer de vous l'exécution de votre parole. Il est possible qu'il vous réponde qu'il y renonce. Car si Michel est l'homme que je crois, il ne voudra pas essayer de devenir le mari d'une femme qui ne l'aimerait pas. D'un autre côté, il est possible aussi qu'il vous réponde qu'il réclame cette exécution. Dans le premier cas, vous n'aurez rien à dire. Dans le second, au contraire, vous aurez à lui répondre que vous voulez consulter Thérèse, car c'est elle, elle seule, qui doit prononcer entre nous deux. Je veux donc bien ne pas parler à Thérèse avant que vous n'ayez eu un entretien décisif avec Michel, mais je vous en prie, mon oncle, ne différez pas cet entretien. Antoine fut obligé de reconnaître que cette attente, pénible pour tous, ne devait pas se prolonger plus longtemps, et il promit d'avoir le lendemain avec Michel l'explication décisive que son neveu demandait. Il était bien évident qu'il fallait se décider à en finir. Jamais Antoine n'avait éprouvé un embarras pareil à celui qu'il ressentait le lendemain matin en entrant dans la tente de Michel. Que dire? Comment commencer l'entretien? Comment as-tu passé la nuit? Mais très bien, je vous remercie. Très bien. Tu es tout à fait bien? Comme vous me dites ça. Qui donc vous inquiète? Rien. Que ce ne soit pas moi, au moins. Je vous assure que je ne me suis jamais senti aussi bien. Je crois que j'aurais même pu me lever depuis 2 ou 3 jours déjà, si le docteur l'avait permis. Mais il se venge de ce que je n'ai pas voulu me laisser couper la jambe en me condamnant au repos forcé. Alors tu es bien, tout à fait bien. Aussi bien qu'un homme de ma position peut l'être. De sorte que tu peux, n'est-ce pas, t'occuper d'affaires sérieuses. Mais oui, si vous voulez. Ah, si tu ne te sens pas en état, nous pourrons remettre à demain ou un autre jour l'entretien que je désire avoir avec toi. Michel avait jusque-là répondu avec une sorte d'enjouement, mais ses paroles lui firent lever la tête et montrer dans ses yeux un mouvement d'inquiétude. Un entretien. Parlez, je vous prie. Je vous assure que je suis en état de vous entendre et de vous répondre. C'est relativement à Thérèse. Et à notre situation l'un envers l'autre. Si Antoine n'avait pas tenu les yeux baissés en parlant, il aurait vu l'inquiétude qui avait contracté le visage de Michel se changer en une expression désolée. Il fut un moment sans répondre, puis d'une voix qui tremblait légèrement. « Je comprends ce que vous voulez, mais avant d'avoir avec vous cet entretien, j'ai besoin d'en avoir un avec Thérèse. Voulez-vous me donner jusqu'à lundi ? Mais tout ce que tu voudras. » « Eh bien, lundi, nous reprendrons cet entretien, et je vous répondrai relativement à Thérèse, ainsi qu'à notre situation l'un envers l'autre. À lundi. » En apprenant ce nouveau délai, le colonel laissa échapper un geste de mécontentement. Cependant, il n'insista pas. Après avoir tant attendu, il pouvait bien attendre 4 jours encore. Jamais Michel ne s'était montré aussi triste qu'il le fut pendant ces 4 jours. Thérèse commença à s'inquiéter. Qu'avait-il ? Elle interrogea le docteur, qui répondit que son blessé allait aussi bien que possible et qu'il se lèverait prochainement. Le dimanche, en effet, lorsqu'elle entra dans sa tente, elle le trouva revêtu de son uniforme, étendu sur un fauteuil mécanique. Son uniforme avait été bien brossé, les boutons avaient été soigneusement astiqués, il avait fait couper sa barbe et ses cheveux. Elle vint à lui vivement et joyeusement. « Quelle surprise ! » s'écria-t-elle. « Je voulais vous la faire depuis 4 jours déjà, mais j'ai attendu pour être sûr de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que j'ai à vous dire, car j'ai à vous parler, si vous voulez m'entendre et me donner quelques instants. » Elle pâlit. L'heure était venue. Il n'y avait pas à s'y tromper. Il était guéri. C'était de la date de leur mariage qu'il allait lui parler. « Je suis à vous, » dit-elle en s'asseyant. Il l'avait attentivement regardée. Il restait les yeux attachés sur elle, pendant quelques instants encore, avant de prendre la parole. Enfin, il se décida. « Ce que j'ai à vous dire, je vous l'aurais dit depuis longtemps si ma guérison avait marché plus vite. Mais par un sentiment que vous comprendrez tout à l'heure, je ne voulais pas que ce fût un mourant ou un estropié qui eût avec vous cet entretien. Et mourant, je ne le suis plus, pas plus que je ne serai estropié. Le docteur prétend que je marcherai droit comme tout le monde, et je le crois. Cet entretien, comme vous devez bien le deviner, doit avoir pour sujet notre mariage. » Elle inclina la tête pour dire qu'elle l'avait en effet deviné. La date de notre mariage avait été fixée par vous à la fin de 1870. Puis la guerre déclarée, cette date a été reportée à la fin du siège. Puis, par suite de ma blessure, elle a été reportée encore au moment de ma guérison. Me voici guéri. L'heure serait donc venue d'arrêter le jour de notre mariage si, pendant ces délais successifs, il n'était pas survenu une série de faits qui rendent une explication nécessaire entre nous. » Elle le regarda avec une expression d'angoisse, mais il détourna les yeux. « Quand vous avez consenti à devenir ma femme, vous ne m'aimiez point, et vous ne donniez ce consentement que par tendresse pour votre père et par amitié pour moi, car si vous ne m'aimiez point d'amour, vous m'aimiez au moins d'amitié. D'une amitié profonde, je vous le jure. Oh, je vous crois. Et ce fut cette amitié dont vous me donniez à chaque instant des preuves qui me fit espérer que vous pourriez m'aimer réellement un jour. Ce fut elle qui me fit persévérer dans mon projet de mariage, car moi, je vous aimais. » Il s'arrêta. « Je vous aime passionnément. Cet amour pouvait-il naître dans votre cœur ? Je le pensais alors et je me disais, je l'aimerais tant qu'elle finira par m'aimer. Cela se fut-il réalisé ? Je le crois et ce sera ma consolation de continuer à le croire. Mais pour cela, il eût fallu que personne ne vînt se placer entre nous. Et ce ne fut pas ce qui arriva. Lorsque vous aviez donné votre consentement à notre mariage, votre cœur n'était pas libre. » Elle leva la main pour l'interrompre, mais il continua. « Ne craignez pas. Je ne dirai rien que vous ne puissiez entendre. Je ne veux ni vous peiner ni vous blesser. Vous allez le voir tout à l'heure. Vous n'étiez pas libre. Votre cœur, à votre insu, et sans que vous en ayez conscience, s'était donné. Mais celui que vous aimiez, sans vous l'avouer, ne pouvait pas alors être votre mari, puisqu'il allait devenir celui d'une autre femme. » Elle se cacha la tête entre ses deux mains. Par suite de circonstances que je ne connais pas, ce mariage ne se fit pas et la guerre nous réunit tous. Si je ne me trompe, il avait déjà ressenti pour vous une vive tendresse. À vivre auprès de vous, à vous voir continuellement, à vous connaître, cette tendresse se changea vite en amour. « Michel, je vous en prie. » « Oh, ne dites pas non. J'ai suivi avec des yeux trop clairvoyants ce qui s'est passé alors, en lui comme en vous. Et il faut bien que je vous l'explique. » Pour vous faire comprendre et pour me faire pardonner les paroles cruelles et injustes qui, à ce moment, m'ont plus d'une fois échappé. J'étais jaloux, et quand je songeais à ce qu'il était et à ce que j'étais moi-même, je souffrais horriblement. Comment ne l'auriez-vous pas aimé ? N'avait-il pas tout pour vous éblouir, pour vous séduire, même la délicatesse, même la noblesse du cœur ? Il pouvait rester près de vous, il ne le fit pas, et pour son sacrifice même, vous avez dû l'aimer. Je ne faisais que mon devoir. Lui faisait plus qu'il ne le devait. Nous partîmes ensemble, moi son chef, lui mon soldat. Mais par cela seul, à vos yeux, héros, il le fut réellement, je dois le dire. Et, par son courage, par l'éloge unanime que vous avez entendu faire de lui, par les bénédictions que vous avez recueillies pour sa générosité, vous n'avez pu que l'aimer davantage. Qu'étais-je près de lui ? La lutte cependant était si ardente entre nous qu'il m'a entraîné à la bataille pour me faire tuer, et que je l'y ai mené à mon tour pour le faire tuer lui-même. » Elle releva la tête par un geste d'épouvante et d'horreur. « Sur le champ de bataille, j'ai aussi été, comme toujours et partout, le vaincu. J'ai reçu cette blessure. Il pouvait m'abandonner et revenir ici près de vous, débarrassé de moi. Il ne l'a pas fait, et courageusement, noblement. Il a risqué sa vie pour sauver la mienne. En rentrant ici, sous l'influence de la fièvre et du désespoir, j'ai prononcé une parole indigne, qui rend cette explication nécessaire. Il a risqué sa vie pour moi, son rival. Voilà la vérité. Depuis, sa délicatesse ne s'est pas démentie. Chaque jour, quand vous êtes entré ici, j'ai cherché dans vos yeux s'il vous avait parlé de son amour, et à la loyauté de votre regard, à la pression de votre main, j'ai vu qu'il n'avait pas parlé. Pour reprendre la lutte, il a voulu attendre ma guérison. Eh bien, aujourd'hui que je suis à peu près guéri, c'est moi qui la commence. Thérèse, levez les yeux vers les miens, je vous en prie, et dites-moi si après les paroles que vous venez d'entendre, vous me croyez capable d'exiger l'accomplissement de la promesse que vous et votre père m'avez faite. » Comme elle ne répondait pas, « Dites, le croyez-vous ? Non, n'est-ce pas ? Eh bien, cette promesse, je vous la rends. J'aurais été heureux, ah oui, bien heureux Thérèse, chère Thérèse, de devenir votre mari. Vous étiez tout pour moi, le passé, le présent, l'avenir. Je n'avais vécu, je ne vivais que pour vous. Ah, je vous aimais !» Il s'arrêta un moment étouffé par l'émotion. « Je vous aimais. Je vous aime assez pour vouloir votre bonheur, et près de lui, vous serez heureuse. Vous aimera-t-il plus que je vous aime ? Non, je vous le jure. Mais vous, vous l'aimerez, tandis que moi, vous ne pourriez pas m'aimer. Au moins, vous me donnerez votre amitié, et pensant au sacrifice que je vous ai fait, vous n'aurez pour moi qu'un tendre souvenir. » Les yeux baignés de larmes, elle lui tendit les deux mains. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent sans parler. Le premier, il reprit l'entretien. « Demain, dit-il, je quitterai cette maison. Et quoi ? Ah, je ne suis pas un saint. Je souffrirai trop de voir son bonheur. Mais qui vous soignera ? Où irez-vous ? Je pense que Denisot voudra bien venir avec moi. Nous retournerons dans notre maison du faubourg, celle qui a été la vôtre. Je vivrai où vous avez vécu, où je vous ai vu grandir, où je vous retrouverai à chaque pas. Il a bon cœur, Denisot. Me voyant seul et triste, je pense qu'il viendra avec moi. Nous parlerons de vous toujours. »